Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 23 du mois de Al-Muharram de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises ayant pour titre Assises ouvertes, des assises qui n'ont pas de titre ou de sujet précis et qui vise de manière générale à nous renforcer les uns les autres et à nous entraider les uns les autres dans la connaissance de cette voie, de ce manhaj, de cette méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Radwanallahi alayhim. Il faut savoir, ayyuhal ikhwa, que les gens de la sunna sont sur le juste milieu. Ils sont les gens du juste milieu. Comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'rafu an-nas bil haqq wa arhamu an-nas bil khalq. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, les gens de la Sunnah sont ceux qui connaissent le mieux la vérité, al-haqq, et sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les gens de la sunna, comme je l'ai dit, sont sur la voie du juste milieu. Ils sont sur le juste milieu entre deux égarements. Les gens de la sunna se trouvent sur le juste milieu entre Al-Khawarij et Al-Murji'a. Ils sont sur le juste milieu entre Al-Haddadiyya ou Al-Mumayyi'a. Ils sont sur le juste milieu et ils sont les plus équitables et les plus justes dans leur jugement. Ceci fait partie des fondements de ce manhaj. Et si une personne qui s'apparente à ce manhaj n'applique pas ce fondement, est injuste et donne un mauvais avis ou un mauvais jugement, ça ne voudra pas dire que le manhaj lui-même est corrompu. Mais ceci est une chose qui vient d'une personne parmi ces personnes qui s'apparentent à ce manhaj. Sinon, la méthodologie des gens de la sunna est la méthodologie la plus juste et la plus droite. Car elle est construite sur le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension des meilleurs des hommes, les meilleurs des générations et à leur tête, les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Une compréhension qui est agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, comme il le dit dans son livre. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Quelle compréhension donc de notre religion est plus à même d'être suivie qu'une compréhension qui est agréée par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, une compréhension à propos de laquelle il nous informa lui-même Azza wa Jal dans son livre qu'il l'a agréée, la compréhension de nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Il est d'une importance capitale, ayyuhal ikhwa, pour suivre de la meilleure des manières cette voie, de l'apprendre, de chercher à connaître cette voie. Comme cela, lorsque tu veux prendre un chemin, tu cherches à connaître ce chemin. Lorsque on te parle d'une destination à laquelle tu veux te rendre, tu demandes aux gens qui connaissent la manière dont tu vas te rendre ou par laquelle tu vas te rendre à cette destination. Comme cela, cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, elle te convient afin de la suivre au mieux, de l'apprendre, de la connaître. est comme une route à emprunter, où il y a, pour se rendre à une certaine destination, des chemins qui se ramifient de ton chemin principal, qui ne sont pas les bons chemins pour te rendre et pour arriver à cette destination que tu recherches. Comme cela, cette voie, il se trouve aux abords de cette voie des chemins qui peuvent t'égarer de ton but principal, de ton chemin principal. Comme nous le voyons dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, traça un jour, lorsqu'il était avec ses compagnons, traça un jour sallallahu alayhi wa sallam, un trait droit dans le sol, puis il traça aux abords de ce trait, à droite et à gauche de ce trait, d'autres traits. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, celui-ci, donc le trait droit, est le chemin d'Allah. Et ces traits-là sont les chemins. À la tête de chacun de ces chemins se trouve un diable qui appelle à lui. Ces chemins qui, lorsque une personne désire emprunter le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se retrouve confronté inévitablement à ces chemins de l'égarement, ces voies de l'égarement qui le détournent du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui le détournent de sa destination, malgré qu'il a emprunté le chemin le menant à sa destination, mais il peut en être détourné. Il peut se perdre sur l'un de ces chemins de l'égarement. De même, cette voie qui, lorsque la personne la suit, cherche par cela à suivre le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car en vérité, cette méthodologie, ce manhaj, cette voie est la voie de l'islam authentique. Donc ce chemin menant vers Allah, tabaraka wa ta'ala, est la demeure dernière, sa demeure des délices, le paradis. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous accorde à tous son paradis. Cette personne-là peut être amenée à s'égarer de cette voie. Ceci pour plusieurs raisons. À la tête de ces raisons, le manque de science. C'est pour cela qu'il te convient d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la connaître, de savoir ce que Allah azza wa jalla attend de toi, de connaître le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala pour pouvoir le suivre au mieux. Pour pouvoir suivre au mieux cette méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, il te convient de l'apprendre au mieux, de connaître ses fondements, ce que nous faisons donc dans notre apprentissage des fondements de la sunna, ce traité écrit par l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmahullah ta'ala. Ces fondements, ces bases sur lesquelles repose la religion, sur lesquelles repose ce manhaj, cette méthodologie, ces règles de base. De même, il te convient de faire attention aux règles innovées par les gens de l'innovation et des passions qui tendent à faire sortir les gens de la sunna de cette voie droite qui est la voie de nos pieux prédécesseurs, afin de les égarer dans les chemins de l'égarement et des passions, les chemins de l'innovation. Il faut savoir que cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, la voie de l'islam authentique, est une voie, une méthodologie, est la méthodologie du discernement. C'est un manhaj furqani. C'est la voie du discernement. C'est-à-dire que la personne parmi les gens de la sunna, comme il est rapporté de certains de nos pieux prédécesseurs, une personne des gens de la masse, des gens de la sunna, bat une centaine des imams, des gens de l'innovation. Car il est ferme, ancré dans les fondements de la sunna, et personne ne peut l'en déplacer. Comme une montagne est ancrée dans le sol, ni le vent ni les intempéries ne peuvent faire déplacer cette montagne. Comme cela, la personne qui a appris les bases, les fondements, et qui a fondé son manhaj sur ses fondements durs et solides, ses passions et ses égarements et ses voies de l'égarement ne pourront pas le déstabiliser. Et nous comprenons ici cette parole de nos prédécesseurs, donc qu'une personne parmi les gens de la masse, parmi les gens de la sunna, les gens de la masse, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui est savant, mais il fait partie des masses, de la masse, pardon, des gens de la sunna. Cette personne-là est plus forte qu'une centaine des imams, des gens de l'égarement. Car il est construit sur quelque chose de vrai, quelque chose de fiable, quelque chose qui est construit sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Donc cette personne-là est quelqu'un de furqani, quelqu'un qui discerne et qui permet de discerner. Il est sur la voie du juste milieu entre deux égarements. Il est une lumière entre deux assombrissements, entre deux ténèbres, parmi les ténèbres de l'égarement. Il est une lumière que les gens utilisent pour connaître leur chemin dans les ténèbres de l'égarement et des voies de l'égarement. Il est quelqu'un de furqani. Il discerne et il est un discernement. C'est pour cela que tu vois les gens de l'innovation, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est sur la sunna et qui est ferme sur sa voie, la voie des gens de la sunna, ils ne peuvent même pas rester en sa compagnie. Sahoullah, certaines personnes même qui connaissent notre manhaj, certains d'entre eux qui ne sont pas sur notre voie, qui sont sur la voie des gens de l'innovation. Pour certains d'entre eux, lorsqu'ils viennent même ici à cette mosquée et qu'ils voient que les gens de la sunna, c'est eux qui font, qui officient la prière, qui font l'imam, ils ne peuvent pas supporter, ils sortent de la mosquée, ils partent, ils rentrent chez eux. On l'a vu, on ne l'a pas vu. C'est ça le furqan, le discernement des gens de la sunna. Ils discernent eux-mêmes et ils sont une cause de discernement. Comme lorsque le muezzin fait l'adhan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-shaytan, lorsqu'il entend ces paroles de vérité, il s'enfuit en ayant le bruit de paix, comme il est venu dans le hadith. Ces personnes-là, ils s'enfuient lorsqu'ils entendent la sunna et lorsqu'ils voient les gens de la sunna, ils s'enfuient. Ils ne peuvent pas supporter. C'est shayatin parmi shayatin, al-ins, parmi les gens de l'innovation. Lorsque nous disons parmi shayatin al-ins, car c'est une manière de les définir, car ce sont des gens qui ont changé et ont essayé de changer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, nous les jugeons de mécréants. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, nous n'avons pas cette envie qu'ils reviennent à la sunna. Mais faites bien attention, les gens de la sunna ont deux regards sur les gens de l'innovation. Deux regards. Un regard où ils sont miséricordieux envers eux et ont cette envie par ce regard qu'ils reviennent vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ont aussi un regard où par ce regard ils appuient sur le fait que ces gens-là ne font pas partie des gens de la sunna, et un regard de blâme sur ces gens-là. Donc ils ont toujours ces deux regards-là. Et c'est pour cela qu'ils sont les plus justes, comme l'a dit le cheikh de l'islam, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils sont les plus justes et ils sont les plus miséricordieux envers les gens. Et cette miséricorde vient de la première de ces phrases qu'il a dit, de leur connaissance profonde de la vérité. Ils sont miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas « Unsur akhaka zaliman aw madhluma » Secours ton frère, qu'il soit injuste ou qu'on lui ait fait de l'injustice. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé, lorsqu'il est parmi ceux à qui on a fait de l'injustice, nous comprenons cela, ta parole, mais lorsqu'il fait partie des injustes, comment pouvons-nous le secourir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, tamna'uhu min adh-dhulm, tu l'empêches de commettre de l'injustice. À ce moment-là, tu l'auras secouru. Regardez ce qu'on parlait, ce à propos de quoi nous parlions la semaine passée et la semaine d'avant sur At-Tahdhil. Parfois, une personne pense que elle est miséricordieuse envers ses frères lorsque elle n'est pas dure avec elle. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dur avec qui ? Avec ses compagnons, les meilleurs des hommes. Afattanun anta ya Mu'adh ? Est-ce que tu fais partie des gens qui éprouvent les autres ? Est-ce que tu es un fattan au Mu'adh ? Lorsqu'il pria une longue prière, la prière de l'Isha, au point qu'une des personnes qui a prié derrière lui est sortie de la prière car c'était trop long pour lui. Il ne pouvait pas supporter. Donc, nous voyons que ceci est la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'inverse, lorsque ce bédouin est venu à Jallakumullah faire ses besoins et uriner dans sa mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et uriner dans un coin de la mosquée, et il a dit à ses compagnons qui se sont levés pour l'empêcher de faire cela, il leur a dit, laissez-le, par sa grande sagesse. Une personne qui vient uriner dans sa mosquée, à Jallakumullah. Donc nous voyons que ceci fait partie de la sagesse, al-hikmatu. Et qu'est-ce que l'hikma, la sagesse ? C'est de mettre chaque chose à sa place. Lorsque tu dois être dur et ferme, tu dois être dur et ferme. Lorsque tu dois être miséricordieux et doux, lorsque tu dois être doux, tu es doux. Et la miséricorde englobe tout ceci. Parfois, tu te dois d'être dur et d'être doux. Et tout ceci est de la miséricorde que tu as pour la personne. À un certain moment, tu devrais être dur pour une personne et cette manière que tu as d'être dur avec lui et d'être ferme avec lui, c'est la meilleure manière que tu as d'être avec lui, c'est la chose qui va faire que cette personne-là comprendra à ce moment-là la vérité. Plus que si tu avais été doux, comme ces personnes-là qui appellent toujours à la douceur, à une personne qui ne comprend pas cette douceur, qui pour lui voit cette douceur comme une faiblesse, qui voit pour lui cette douceur de ta part, toi, parmi les gens de la sunna qui doit être furqani, qui doit être quelqu'un qui discerne et qui est une cause de discernement pour les autres. Il voit cette chose-là comme le fait que lui est sur la vérité et toi, tu n'es pas sur la vérité puisque tu es doux avec lui et tu n'as pas cette fermeté à son égard. À ce moment-là, tu ne seras pas furqani. Tu n'auras pas les bases du discernement qu'implique ta religion, qu'implique ta voix, ce manhaj des gens de la sunna. Donc l'importance de connaître, ayyuha al-ikhwa, les règles des gens de la sunna et de prendre garde aux règles innovées et inventées et de savoir que ces règles-là sont un grand danger pour le musulman et pour sa méthodologie. Vous avez entendu dans le cours d'aujourd'hui, certaines de ces règles, je ne vais pas les répéter, c'est des règles que j'ai évoquées précédemment à de maintes et maintes reprises. J'ai même fait une série de cours pendant une des périodes du confinement que j'ai appelée les règles innovées et leur danger pour la voix du musulman. Dans cette série de cours, qui sont des cours d'à peu près une vingtaine de minutes pour chacun d'entre eux, je me suis appliqué à rapporter des règles innovées qui ont été innovées par ces gens de l'égarement et de l'innovation pour défendre les gens de l'égarement et de l'innovation. Ces personnes-là qui s'apparentaient à cette époque aux gens de la sunna et qui ont rentré par cela des règles innovées chez les gens de la sunna, comme je l'ai évoqué dans le cours d'aujourd'hui, que certaines personnes, même parmi des gens qui ont eu une prédication et qui ont appelé et enseigné aux gens et qui s'apparentaient aux gens de la sunna, pour certains d'entre eux qui n'en faisaient pas partie, mais même s'ils n'en faisaient pas partie, à ce moment-là, les gens ne savaient pas qu'ils n'en faisaient pas partie. Donc ils ont pris de eux, ils ont appris chez eux, ils se sont éduqués chez eux. Et pour certains d'entre eux qui faisaient partie des gens de la sunna, mais qui étaient ignorants de certains des fondements de cette méthodologie, de ce manhaj, donc ils ont pris et ils continuent peut-être de prendre de eux ces règles innovées. Faites bien attention à cela, apprenez-les afin de vous en écarter. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit dans le sens de ces paroles, une personne ne s'est pas égarée parmi ceux qui se sont égarés que à cause de leur éloignement des règles générales, des règles globales parmi les règles de notre législation, de notre sharia. Ces règles vers lesquelles nous renvoyons toutes les affaires secondaires, tous les sujets secondaires, les sujets qui se ramifient de ces fondements de base. Ceci est une des causes de l'égarement de certaines personnes. Ils n'ont pas connu les règles de base, les fondements, et ils se sont égarés à cause de leur manque de science de ces fondements. Car au moment, comme je l'ai dit dans le cours d'aujourd'hui, au moment où ces sujets se multiplient et ne s'arrêtent pas, prenons par exemple ce qui est en relation avec les gens de l'innovation, des noms des gens de l'innovation, il y en a eu et il y en aura. Donc si on n'a pas appris ces règles de base et ces fondements qui nous permettent de discerner, d'avoir ce discernement, ce furqan, d'avoir ce furqan entre le faux et le vrai, par l'intermédiaire de ces règles, de notre manhaj, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle personne qui viendra, on sera toujours soumis à cette question, est-elle une bonne personne ou une personne de faux ? Alors qu'une personne qui, lui, a appris les fondements de sa religion, saura faire cette différence et aura ce discernement à ce moment-là. Des règles de base qui lui permettent de discerner. Ces règles de base que j'ai évoquées, si vous vous posez les questions de quelles règles parle-t-il, toutes ces règles qu'on a évoquées durant ces années précédentes, c'est presque 3 années précédentes où on a étudié ensemble dans cette mosquée. À chaque fois que je vous dis « ceci est une règle, écrivez-la », toutes ces règles de base. Et ces règles fausses et inventées que j'ai évoquées tout au long de ces cours, que j'ai rappelées pour certaines d'entre elles aujourd'hui, qui sont des règles très dangereuses. Et comme je l'ai dit et je le répète, ce sont des règles qui sont devenues quelque chose à propos de laquelle on ne se pose même plus de questions. Pour certaines de ces personnes qui ont bu et digéré ces règles-là, sont devenues des règles, qui sont des règles de base de ce manhaj, alors que ce sont des règles innovées et inventées qui vont à l'encontre des règles de ce manhaj. Faites bien attention à cela. De même, la personne qui suit cette voie, la voie des gens de la sunna, est une personne qui se doit d'appeler les gens avec tafsil, avec détail. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Il ne suffit pas d'appeler les gens et de prétendre à ce discernement, être une personne du discernement, et être une personne qui, à son contact, les gens peuvent discerner le vrai du faux, en parlant avec des paroles générales. À chaque fois qu'il parle, il parle avec des paroles générales. Il ne détaille jamais. Parmi ce détail, le fait de nommer les gens de l'innovation, lorsqu'il y a besoin de les nommer. Ça ne veut pas dire qu'on doit les nommer à chaque instant, mais le fait de toujours se détourner, de donner le nom des gens de l'innovation afin que les gens prennent garde à ces gens-là, se détourner de rappeler leur nom, ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Parfois, il te convient, il t'est même obligatoire à certains moments de les nommer. Ceci est un détail et ce n'est pas le seul détail à faire. Mais la voie des gens de la sunna est une voie détaillée afin que tu sois furqani, que tu sois quelqu'un du discernement et qui à ton contact les gens discernent le vrai du faux, tu te dois de détailler et pas de parler avec des paroles générales. Parce que tout le monde appelle à suivre le Coran et la Sunna. Tout le monde même, ou beaucoup de gens se revendiquent de la voix de nos pieux prédécesseurs. Mais qui l'est vraiment ? Au moment du détail, c'est à ce moment-là que t'apparaît la différence entre celui-là et celui-ci. Et pour terminer, j'avais évoqué que pendant ces assises ouvertes, j'allais parler d'une chose très importante à Yuel Ikhwa, qui est le fait qu'une personne est grande et élevée par son suivi de la sunna et par opposition, peut-être rabaissée, wal'iyadu billah, lorsqu'il empruntera l'une des voies de l'égarement et des passions et des innovations. Ceci est une réalité. Une personne est grande par son suivi de la sunna, par son cramponnement à la sunna, est une personne qui est grande, et ceci même si il fait partie de nos enfants, des jeunes. Comme cela, nous voyons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens de ses paroles, « L'heure ne se lèvera pas tant que la science ne sera pas demandée auprès des petits. » Al-Asarir. Al-Asarir, dans ce hadith, les savants l'ont expliqué de différentes manières. Certains parmi les savants, parmi nos pieux prédécesseurs, ont dit que l'asarir, dans ce hadith, qui fait partie des signes de la fin des temps, l'heure ne se lèvera pas tant que les gens ne demanderont pas la science auprès de l'asarir. Ce qui nous montre, premièrement, que la science n'est pas à demander auprès des gens qui sont définis comme l'asarir, les petits. Maintenant, il nous convient de définir qu'est-ce que les petits dans ce hadith. Certains parmi les gens de science ont dit que l'asarir, ce sont les gens de l'innovation. Certains parmi les gens de science ont dit que Al-Asarir, ce sont les gens qui sont en bas âge, les petits, dans leur âge. Et ce sont des explications qui peuvent se rejoindre. Mais ce qui est à voir ici, c'est que une personne, si on prend l'explication de ce grand parmi As-Salaf, Radwanallahi Alim, Abdallah ibn al-Mubarak, qui a dit que Al-Asagir, ce sont les gens de l'innovation, nous voyons donc par opposition que les grands, ce sont les gens de la Sunna. Une personne est grande par son attachement à la Sunna. Et une personne est avilie, ce même s'il est âgé, même s'il a passé de longues années même dans l'étude de la science, mais une étude de la science qui ne lui profite pas car il est sur une des voies de l'égarement parmi les gens de l'innovation. Et une personne parmi les jeunes qui s'accroche à la sunna et qui suit cette voie est une personne qui est estimée pour nous comme une grande personne car il s'accroche et il est ferme sur cette voie. De même, nous voyons que parmi les exemples de cet attachement à la sunna qui a élevé des gens dans cette vie d'ici-bas et incha'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, cette personne de qui nous étudions son traité, Ahmed ibn Hanbal, al-Shaybani, rahimahullah. Il est venu dans le livre Al-Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, que ce dernier, cet imam Ibn Abi Hatim, a posé la question à son père, Abu Hatim, et l'ami de son père, donc qui sont deux grands imams, Abu Zur'a. Il leur posa la question, est-ce que Ahmed était connu avant Al-Mihna, avant la fitna, avant... Quelle fitna ici? Quelle mihna? Ah, sur la création du Coran, sur la parole des gens parmi Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila et autres qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Certains qui disent que la parole d'Allah, que le Coran est créé et il n'est pas la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous avons étudié cela dans notre étude de cet épître, Usul al-Sunnah. Cette grande fitna, cette grande épreuve à la suite de laquelle il fut surnommé l'imam des gens de la sunna, imam ou ahli sunna. Pourquoi? Car il est resté ferme lors de cette épreuve. Il est resté ferme sur la vérité. Al-Qur'an ou kalamullah wa laysa bi makhlouq. Le Qur'an est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Celui qui dit que le Qur'an est créé est un mécréant. Celui qui dit qu'il n'est pas créé, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui dit ma parole du Qur'an est un créé, celui-là est un mubtadi'. Al-lafz. Vous vous rappelez de l'lafziyya? Pourquoi je l'évoque ici? Je vous fais un rappel et en même temps on va en parler ici dans ces exemples que j'ai rappelés. Donc l'imam Ahmed qui était ferme dans cette fitna, qui est resté ferme et ceci lui a valu, cette fermeté accrochée sur la sunna, lui a valu d'être appelé à l'issue de cette fitna, imam des gens de la sunna. Les gens de la sunna ont plein d'imams. L'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Dawood, etc., etc. Ils ont beaucoup d'imams qui sont des imams de la sunna. Mais cette personne-là, l'imam Ahmed, a été surnommé l'imam des gens de la sunna, car il est resté ferme à ce moment-là, lors de cette grande, très grande épreuve qui a touché l'ensemble de la communauté. Et donc, Ibn Abi Hatim a demandé à son père, de même qu'à l'ami de son père, ses deux grands imams, Abu Hatim et Abu Zur'a. Est-ce que Ahmed était connu avant la fitna? Il lui a répondu, ou ils lui ont répondu, oui, il était connu. Mais après la fitna, lorsqu'il est resté ferme dans la fitna, il fut encore plus connu et son évocation auprès des gens a été accrue. Et il fut connu par cette dénomination imam des gens de la sunna. C'est-à-dire qu'il était connu, il faisait partie des savants, du hadith, il faisait partie de l'fuqaha, il était connu parmi les imams, mais il n'était pas connu comme il fut connu après sa fermeté dans la fitna. Et c'est pour cela que vous trouvez qu'Ibn Abi Hatim, cet imam, évoque dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge, qu'on pourrait traduire de cette manière-là, ce livre qui est un livre de référence, il évoqua un sous-chapitre, une porte, qu'il appela la porte de celui, la porte, pardon, du mérite, ou le sous-chapitre du mérite d'être appelé des gens de la sunna, ou du mérite de la sunna, d'être des gens de la sunna, pour celui qui aime Ahmed ibn Hanbal. Une personne qui aime Ahmed, il fait partie des gens de la sunna. Une personne qui déteste Ahmed, il fait partie des gens de l'innovation. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme cela pour l'imam Ahmed, comme cela pour d'autres que lui, comme l'imam Ibn Abi Hatim a évoqué dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, comme par exemple Ishaq Ibn Rahawai, de même que Hamad Ibn Zayd et autres. La porte, le chapitre du mérite de la sunna, d'être appelé des gens de la sunna, d'être appelé des partisans de la sunna, par l'amour de ces gens-là. Et par opposition, celui qui déteste ces gens-là est une des personnes, des gens de l'innovation. Car il n'y a qu'un innovateur connu et reconnu qui peut détester une personne comme cet imam, l'imam Ahmed. Et il n'y a qu'une personne qui aime la sunna et qui fait partie des partisans de la sunna qui peut aimer cette personne-là. Comment est-il arrivé à ce rang-là? Par sa fermeté dans la sunna, en particulier au moment des épreuves. En particulier au moment des épreuves. Car il est facile pour toi de dire « Je fais partie des gens de la sunna » et lorsqu'une épreuve t'arrive, une épreuve qui touche ton manhaj, qui touche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une épreuve par rapport aux gens de l'innovation qui viennent te contredire, qui viennent te critiquer, qui viennent te causer des nuisances, à ce moment-là, tu ne secours pas la sunna. Tu fais partie de l'mukhaddila, comme on a évoqué. Ceci est facile de dire, je fais partie des gens de la sunna, mais au moment de faire tes preuves, où es-tu? De même, nous avons cette histoire entre Abu Thawr. Peut-être que ceux qui lisent parmi vous les livres de fiqh, de jurisprudence, voient ce nom évoqué parfois. Abu Thawr. Abu Thawr, Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi. Abu Thawr faisait partie des imams à l'époque de l'imam Ahmed. Il avait à cette époque un madhhab, une école juridique, comme on parle des quatre écoles juridiques aujourd'hui. Il y avait aussi cette école juridique de l'imam Abu Thawr, comme il y avait l'école juridique de l'imam al-Awza'i, l'imam des gens de Sham, qui sont des écoles juridiques qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Mais leurs avis juridiques sont encore rapportés. C'est pour ça que celui qui lit dans les livres de fiqh, il voit parfois ceci est l'avis de un tel et un tel, et c'est l'avis aussi de Abu Thawr. Son évocation à ce grand imam Abu Thawr, rahimahullah, est encore et perdure encore jusqu'à aujourd'hui dans les livres de fiqh. On rapporte encore ses avis car c'était un grand imam, un grand faqih. Lui et une autre personne qui s'appelle Al-Hussein Al-Karabisi. Al-Hussein Al-Karabisi était quelqu'un qui faisait partie des grands savants à l'époque de l'imam Ahmed aussi. Cette personne qui était plus savant, beaucoup plus savant que Abu Thawr. Al-Hussein Al-Karabisi était quelqu'un de beaucoup plus savant que Abu Thawr. Vous avez déjà entendu, pour certains d'entre vous, Abu Thawr. Vous avez déjà entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu de Al-Karabisi? Rien du tout. Pourquoi? Cette personne-là, Al-Karabisi, qui était parmi des grands savants, est tombé dans l'épreuve de Khalq al-Qur'an. Il est tombé dans l'épreuve de Al-Lafz en particulier. Personne qui disait ma parole, Lafzi bil-Qur'an, kada, wa kada, wa kada. Comme on l'a déjà étudié précédemment. Lafzi bil-Qur'an, c'est-à-dire ma prononciation du Qur'an est créée. Que veux-tu dire par Lafzi bil-Qur'an? Que veux-tu dire par cela? Des paroles générales. Vous vous rappelez, on a parlé de cela, on en a parlé aussi ici dans ce cours, des paroles générales, pas de détails. Lafzi bil-Qur'an, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux dire par lafzi bil-Qur'an ceci, ce n'est pas une réalité. Si tu veux dire cela, ce n'est pas, c'est une vérité. Mais à ce moment-là, tu as donné une parole générale qui implique un faux et un vrai. Et ceci n'est pas la voix de nos pieux prédécesseurs. C'est pour ça que l'imam Ahmed disait, celui qui dit le Qur'an est créé, a mécru. Mais celui qui dit lafzi bil-Qur'an, ma prononciation du Qur'an, et ceci et cela, celui-ci est un innovateur, car il a donné une parole qui n'est pas détaillée, et ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Donc cette personne, Hussein Al-Karab ici, est tombé dans cette erreur-là. Et il a été conseillé à cette époque-là, mais il est resté sur sa parole. Et il est rapporté dans plusieurs livres, comme Al-Kamil fi Du'afa et autres, qu'une personne qui s'appelle Mohamed ibn Abdillah Al-Shafi'i, et c'est rapporté aussi d'autres que lui, Mohamed ibn Abdillah al-Shafi'i, qui n'est pas l'imam Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, vous l'avez compris, donc quelqu'un qui s'apparente au madhhab de l'imam al-Shafi'i, qui s'appelle Mohamed ibn Abdillah, qui vivait à cette époque, a dit tirer une leçon de ces deux hommes, Hussein al-Karabisi et Abu Thawr. Cette personne-là, Abu Thawr, n'arrivait pas à un dixième de la science de Al-Karabisi, n'arrivait pas à un dixième de la science de Al-Karabisi. Pourtant, Ahmed ibn Hanbal a parlé et a réfuté Hussein Al-Karabisi et ce dernier est tombé dans la fitna de Al-Love, la fitna de Khalq Al-Qur'an par rapport à sa parole sur Al-Love. Il est tombé et Abu Thawr a été élevé à cause de son suivi de la sunna. Pourtant, il est rapporté, comme il le dit ici, Mohammed ibn Abdullah al-Shafi'i, il dit, il n'arrivait même pas à un dixième de la science de Hussein al-Karabisi. Pourtant, al-Karabisi, on ne sait pas qui il est, Abu Thawr, jusqu'à aujourd'hui, al-Fuqaha, rapporte son avis dans les livres de fiqh. Et comme il l'a dit ici, Ahmed ibn Hanbal a fait les éloges d'Abu Thawr pour son suivi et son cramponnement à la sunna. Et à l'inverse, il a critiqué et réfuté al-Karabisi, ce dernier est tombé. Et on n'a plus d'évocation de lui, sauf lorsqu'on parle des gens de la bid'a, lorsqu'on parle de cette épreuve, l'épreuve de ceux qui disaient, ceux qui parlaient du Coran en disant qu'il était créé. Khalqul Quran. Une dernière personne qui s'appelle Muslim ibn Yassar. Muslim ibn Yassar al-Basri. Cette personne-là qui était un grand imam. Un grand imam. Un grand imam parmi At-Tabi'in, les suiveurs des compagnons. Cette personne-là, qui est décrite dans les livres qui rapportent son histoire, comme par exemple As-Siyar de l'imam Al-Dhahabi, comme étant un exemple, le faqih, l'ascète, le grand savant, Muslim ibn Yassar. Cette personne-là, qui lorsque l'épreuve de Ibn al-Ash'ath, Abdurrahman Ibn al-Ash'ath, qui faisait partie des gens de la sunna et de science de cette époque-là, qui a décidé de se révolter contre Abdel Malik Ibn Marwan, le gouverneur à cette époque-là, et contre Al-Hajjaj. Et il avait une longue histoire avec Al-Hajjaj qui le détestait. Al-Hajjaj, vous savez, Ibn Yusuf al-Thaqafi, comme il était dur, et s'il prenait quelqu'un et qu'il détestait quelqu'un, cette personne-là avait peu de chances de s'en sortir. Abdurrahman ibn al-Ash'ath a décidé de se révolter. Et il réunit une armée dans laquelle se trouvaient certains des imams de l'époque. Et ceci était une grande fitna, une grande épreuve pour les gens de l'époque. Parmi ces gens-là qui l'ont suivi, cet imam, Muslim ibn Yassar, qui était appelé l'imam, le grand savant, etc. etc. Mais il tomba dans cette épreuve-là. À l'inverse de l'Hassan al-Basri, al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, parmi les grands imams que vous connaissez tous, est-ce que vous avez entendu parler de Muslim ibn Yassar? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez? Peut-être la première fois que vous entendez parler de Muslim ibn Yassar, al-Hassan al-Basri. Tout le monde connaît al-Hassan al-Basri. Cette personne-là qui, comme le dit Ibn Aoun, rahimahullah, lorsque la fitna, lorsque l'épreuve est arrivée à l'époque de Ibn al-Ash'ath, donc lorsqu'il est sorti contre le gouverneur, il s'est révolté contre le gouverneur, Muslim ibn Yassar est sorti avec lui, s'est révolté avec lui. Et al-Hassan al-Basri ne s'est pas révolté et a interdit de se révolter contre le gouverneur. Al-Hassan fut donc élevé par cela, par quoi? Son cramponnement à la sunna. Et Muslim ibn Yassar a été rabaissé. Ces exemples-là qui nous montrent qu'une personne, est grande par son attachement à la sunna, par son attachement à la voie de nos pieux prédécesseurs, l'attachement à ce manhaj, la connaissance de ce manhaj, des règles de base et des fondements de ce manhaj, et au moment où elle délaissera cela, et elle ne peut connaître, et elle ne peut être, accrochée fermement à ses fondements qu'après les avoir étudiés, qu'après les avoir connus, et elle ne peut les connaître que par l'étude de ses fondements. Cette personne-là sera avilie, sera rabaissée lorsqu'elle n'aura pas suivi ce manhaj et elle aura délaissé ses fondements. Elle sera abaissée et ravilie, et ce même si c'est une personne qui a beaucoup d'argent, même si c'est une personne qui a une grande lignée, même si c'est une personne qui a beaucoup de science, comme vous l'avez entendu ici. Mais par son cramponnement à la sunna, c'est à partir de là qu'elle sera élevée. Une dernière chose, comme je l'ai dit précédemment, parmi les plus grands combats de nos jours, le combat contre les gens de l'innovation. Pas par l'épée, mais par le stylo, par la réfutation, par l'apprentissage de la religion et la réfutation de ces gens-là. Et l'appel à cette voie et la réfutation des gens de l'innovation et la réfutation des gens qui ne sont pas parmi les gens de l'innovation aussi, mais des gens parmi les gens de la sunna qui sont tombés dans le tahdhil, qu'ils ont délaissé et qui n'ont pas secouru les gens de la sunna, qui ont des erreurs, même si on ne juge pas de eux qu'ils sont innovateurs, mais qui ont des erreurs, le fait de les réfuter, de les conseiller, de les réfuter. Mais dans tous les cas, si son erreur a été connue et entendue par les jeunes, t'es obligatoire de le réfuter. Peut-être pas à toi en particulier, mais il est obligatoire à une partie de la communauté de réfuter ces gens-là, pour pas que les gens croient que cette erreur-là est la vérité. Et nous voyons cette personne, l'imam Abu Dhar al-Harari, rahimahullah, parmi les grands imams de la sunna. Il dit, j'ai été exposé des dizaines de fois à l'épée. C'est-à-dire, j'ai été exposé à me faire tuer des dizaines de fois. Qui l'exposait à l'épée? Les gens de l'innovation. Des dizaines de fois. On ne me disait jamais, reviens sur ce que tu es, c'est-à-dire délaisse cette voie, la voie des pieux prédécesseurs. On ne me disait jamais cela. On me disait, délaisse le fait de parler et de réfuter les gens de l'innovation. Ces gens-là, ils ne veulent pas que quelqu'un affiche leur fausseté et réfute leur fausseté. Personne ne lui disait, reviens, viens avec nous dans notre innovation, reviens sur ce sur quoi tu es. Non, simplement on lui disait, délaisse, arrête de parler sur les gens de l'innovation. Et bien sûr, s'il a été exposé autant de fois, c'est qu'il n'a jamais délaissé cela. Rahimahullahu ta'ala. Et comme cela, nous voyons les imams de la sunna qui ont été grandis et élevés par cela. Comme l'imam Ahmed, comme on l'a dit dans Al-Mihna, et de nos jours par exemple, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Hafidahullah ta'ala, à partir de quand il a été détesté autant et à partir de quand il a été aussi élevé auprès des gens de la sunna? Cheikh Rabi', c'est la personne qui a détaillé les égarements de Sayyid Qutb de la meilleure des manières, dans plusieurs livres. Al-Adwa al-Islamiyya, Al-Hadd al-Fasil, etc., etc., etc., parmi ses livres de réfutation où il réfuta l'ensemble des égarements de cette tête du takfir de notre époque. Cette tête du tekfir, de même que de plein d'autres égarements. Sayyid Qutb, qui a été défendu par beaucoup de gens. Vous savez que Sayyid Qutb, à l'époque, l'imam Abdul Aziz ibn Baz rapportait des textes de lui dans le magazine de l'université islamique de Médine. Et ceci n'est pas une porte par laquelle nous rentrons pour dénigrer ce grand imam, Cheikh Ibn Baz, mais ceci nous montre que la vérité peut ne pas apparaître à certaines personnes, ceci même si cette personne fait partie des imams de ce siècle. De même, à cette époque-là, des grands savants comme Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, al-Allama al-Maghribi, rahimahullah, faisaient dans certains livres des éloges de Sayyid Qutb. De même que Abdel Hamid ibn Badis, ce grand savant algérien, faisait des éloges de Sayyid Qutb. De même que al-Bashir al-Ibrahimi, ce grand savant algérien, faisait aussi des éloges de Sayyid Qutb. Ceci, pas parce qu'ils faisaient ces éloges comme cela, parce qu'ils ont vu certains de ses bons côtés, ils ne se sont pas arrêtés, ils n'ont pas vu ces erreurs. Mais qui a mis en avant ces erreurs-là à cette époque? Rabi' al-Sunna, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ça veut dire qu'il ne se trompe pas, hacha. C'est un être humain, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper, il s'est trompé. Et ceci ne le rabaisse pas ni ne le dénigre. Mais à ce moment-là, il a été élevé par son suivi de la Sunna et cette réfutation aux gens de l'innovation, au point que dans les dernières années, certains de ces livres en réfutation à Sayyid Qutb sont imprimés par le ministère de l'orientation religieuse et des waqf, de l'Awqaf, là-bas, en Saoudia, et distribués gratuitement, ceci pour répondre à ces égarements. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, cet imam, a connu la réalité de cette personne, Sayyid Qutb, par l'intermédiaire des réfutations de Cheikh Rabi'. Et Cheikh Ibn Baz aimait beaucoup Cheikh Rabi' et lui demandait de réfuter des gens de l'innovation. Ceci est un manhaj, ceci est notre manhaj. On ne peut pas prendre en exemple, par exemple, Cheikh Ibn Baz qui aurait fait des éloges sur un tel, de même que Cheikh Ibn Baz qui n'aurait pas fait telle et telle réfutation, plutôt son manhaj c'était la réfutation des gens de l'innovation, c'est le manhaj des gens de la sunna. Et cette personne, Rabi' al-Sunna, a été élevée à ce moment-là par ses réfutations aux gens de l'innovation, car il a défendu la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.